La première partie de ces quatre cours de l'Université populaire de Saint-Denis avait donc été sur l'histoire de la psychiatrie. En deuxième, c'était « Mais qu'est-ce que la maladie mentale ?» D'où le fait d'avoir voulu vous proposer, et c'est la première fois que je faisais un exposé comme ça, une réflexion sur la maladie mentale à partir de cette théorie que j'avais élaborée pour l'Université de Paris 8 Saint-Denis au début des années 80, donc la courbe de Chestnut Lodge. Une précision, j'avais décrit ça sous la forme d'un voyage, c'est pour ça que avec l'une d'entre vous, on a parlé un jour de le décrypter pour le publier, et on appellerait peut-être ça le voyage de Chestnut Lodge, mais c'est très important parce que c'est une vision dynamique de la pathologie mentale qui se refuse à mettre des étiquettes inamovibles sur les personnes. D'autre part, cette courbe a comme vue de considérer qu'il ne s'agit pas des patients au-dessus desquels nous nous trouverions parce que nous sommes ceux qui allons bien en tant que soignants, mais c'est quelque chose qui inclut patients et soignants, sachant que les pathologies dont il s'agit sont bien les mêmes, sauf que certaines, quelquefois, sont un peu plus poussées que d'autres. Donc, une précision, en racontant ça sous la forme d'un voyage que je n'avais jamais fait, j'ai commis l'erreur de dire qu'on était 12 voyageurs. En fait, il y en aurait 14, avec éventuellement un 15e qui serait le narrateur. Mais une fois ayant fait cette correction sur ce récit, on a donc toutes les pathologies de la psychose, des états limites et des névroses. Le voyage de Chestnut Lodge, ce serait la réactualisation de cette théorie-là, donc dynamique et refusant les diagnostics inamovibles, et avec une réactualisation de deux ou trois points importants. En ce qui concerne ce qu'on appelait anciennement la psychose maniaco-dépressive, donc maintenant on parlerait des troubles bipolaires, et concernant la névrose hystérique que depuis deux ou trois ans, je ne veux plus appeler hystérique car il s'agit vraiment d'une imposture machiste et phallocratique, et donc là on mettrait désormais la névrose identitaire, puisqu'il s'agit bien d'un problème d'identité. Alors pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons parler de l'antipsychiatrie et de l'alternative à la psychiatrie. Et vous savez que la quatrième séance, donc la prochaine fois, sera donc consacrée au secteur psychiatrique. Au fond, c'est la psychiatrie aujourd'hui. D'où je me situe pour parler de l'antipsychiatrie. J'ai eu la chance, vous le savez, de travailler dans cette clinique privée à Rueil-Malmaison de 1969 à 1971. J'y étais psychosociothérapeute. Et cette clinique s'inspirait de Chestnut Lodge Hospital qui réussissait à tellement améliorer l'état de personnes diagnostiquées schizophrènes, mais éventuellement d'autres personnes psychotiques, que ces personnes arrivaient à s'en sortir beaucoup mieux que ne s'en sortent les gens qui passent par l'hôpital psychiatrique et même par les cliniques privées. Je vous ai donné l'exemple de Didier, qui, diagnostiqué schizophrène, 4 ans plus tard, en 1970, quittait la clinique avec comme métier interprète. Et ça, justement, c'est déjà un des premiers points de mes prises de conscience, sachant que le deuxième, c'est à partir du moment où j'ai quitté Rueil-Malmaison, un an plus tard, je suis entré à l'hôpital de Ville-Évrard, et j'ai été tellement scandalisé par ce que j'y ai vu, que très rapidement, avec un groupe d'infirmiers, nous avons créé le GRIF, le groupe de recherche des infirmiers en formation. Ce groupe a été composé d'une équipe de jeunes infirmiers en formation, mais il y a eu un petit peu de soignants diplômés, très peu, un infirmier, Pierre, une assistante sociale, Maryse, un psychiatre, Marc, et un psychologue, moi. Le reste, c'était seulement les infirmiers. Et je pense que si je vous dis ça, ça doit être suffisant pour que je ne fasse pas de commentaires. Sachant cela, on a quand même fonctionné de 73 à 77. On s'est battu contre la structure d'enfermement qu'est l'hôpital psychiatrique. On se battait pour diminuer les traitements, s'opposer au port de la blouse, faire ouvrir les portes. Tout combat qui aujourd'hui peuvent paraître marrants, archaïques, voire dépassés. Et bien entendu, ça impliquait qu'on avait une attitude nettement plus humaine que celle des soignants de l'époque. Une infirmière, Micheline, que j'ai connue au moment où je suis arrivé à Ville-Évrard, enfermait une patiente, Marie-Madeleine, dans un placard quand elle n'était pas sage. Quand j'ai découvert ça, j'ai été horrifié. Et il n'y a pas que ça qui m'a horrifié, ce qui fait que très vite, ma prise de conscience s'est transformée en révolte et que j'ai été en guerre jusqu'à la fin de ma carrière, qui donc s'arrête en 2003, sachant que je continue à avoir beaucoup de contacts avec les hôpitaux et entre autres avec Villers-Évrard, puisque je me suis occupé et je m'occupe encore d'un jeune homme qui était au secteur 16 de Villers-Évrard il y a 15 jours. Donc, en gros, si vous voulez, c'est ces prises de conscience successives à travers les établissements où j'ai travaillé qui m'ont amené à me sentir hostile à un fonctionnement comme celui de l'asile, qui était rigide, autoritaire, méprisant, mettant une barrière entre les soignants et les soignés, prétendant soigner avec des médicaments qui tassent les symptômes, mais qui ne soignent pas, et négligeant toutes les méthodes un peu plus humaines, massage, travail corporel, danse. Il y avait juste un service qui pratiquait l'enveloppement de linge mouillé, qu'on appelle le pack ou le packing selon les services. Il y avait une infirmière à Maison-Blanche qui faisait un groupe d'expression corporelle, c'était la seule, elle a tenu 25 ans. Et c'est pour ça que moi j'ai mis en route des groupes de thérapie corporelle, de musicothérapie, que j'ai fait fonctionner tous les jours de la semaine pratiquement à Villers-Évrard, avec aussi un groupe de yoga à Stein, et les groupes de musicothérapie que j'ai gardés jusqu'à la fin à Villers-Évrard. Mais quand mon secteur est sorti avec celui de Saint-Denis et celui de Pierrefitte-Épinay, nous l'avons fait à Romain-Rolland, donc où toutes les semaines il y avait une réunion de musique et de temps en temps une deuxième où venaient danser les patients. Comme par hasard, sur tout le personnel qui était là-bas, il y avait une seule infirmière qui venait avec moi dans cette réunion de musique et qui, je le savais, était très importante pour les patients. C'est une demande qui m'a été réitérée constamment par eux et c'est justement des patients qui, mis dans une réunion d'information au début de ma carrière, m'avaient dit qu'ils voudraient des réunions de musique où ils pourraient danser. Donc j'ai maintenu ce principe de 72 à 2003. Je l'ai fait dans beaucoup de pavillons, dans une rotonde, dans une ergothérapie à Villers-Évrard. Et il venait des patients de tous les services, bien entendu. Et après, quand je l'ai fait en plus à Romain-Rolland, ben là, il venait même des anciens patients, des gens de la ville, des gens qui n'étaient plus hospitalisés, mais qui venaient par amitié, par solidarité, et qui, pour beaucoup d'entre eux, vu leur ancienneté, vu le statut qu'ils avaient pris, étaient quasiment pour moi des psychologues stagiaires. Ils m'aidaient tout à fait de la même façon que les psychologues stagiaires qui étaient des étudiants de Paris 8 et qui venaient faire un stage pendant une année. Ces choses-là sont importantes, ce n'est qu'une pratique quotidienne qui m'a valu une guerre à mort du médecin-chef adjoint de 75 à 94. Le fait qu'il ait été muté m'a soulagé et plus personne n'a essayé de me virer. Il avait quand même 4 fois tenté de le faire entre 75 et 94. Il faut noter que j'étais effectivement très seul dans ces combats. Dans les débuts, c'est des infirmiers qui m'ont aidé, des Antillais comme par hasard. Ensuite, il y a eu une infirmière qui m'a aidé. Plus tard, alors là, j'étais très surpris, un interne qui se disait rechien, donc qui défendait les idées de Wilhelm Reich que j'allais rencontrer par ailleurs. J'étais très étonné de trouver ça chez un psychiatre, c'était pas courant. C'est le seul d'ailleurs que j'ai connu dans ma carrière à Villers-Évrard. Et puis à la fin, la dernière fois, la dernière tentative en 88, c'est 4 psychologues stagiaires qui ont ridiculisé ce médecin-chef adjoint en lui montrant que c'était son problème quand il disait que les réunions de musique étaient une incitation à l'infraction, à l'interdit sexuel. C'est-à-dire qu'il expliquait que la relation sexuelle étant interdite au pavillon, il était là pour faire respecter la loi. Et moi, avec la danse, par le contact des corps, je mettais en route une tentative d'infraction à l'interdit sexuel. Voyez le genre d'argument et le niveau de réflexion de gens qui parlent comme ça au nom de gens dont ils maltraitent le corps à coups de médicaments. Moi, je souhaitais les bien traiter à coups de danse, à coups de musique, à coups de massage, avec la pulsion de vie. Et je lui disais d'ailleurs que ma théorie était d'intensifier les relations affectives et émotionnelles pour déstructurer la pathologie mentale. Si certains voulaient faire des thérapies, ils en faisaient. S'ils ne voulaient pas en faire, ça ne fait pas partie de notre culture générale, ils n'en faisaient pas. Mais les médicaments étaient là pour soutenir, mais pas pour guérir. Alors que ma méthode qui déstructurait certains types structurés sur un mode pathologique pouvait permettre ensuite de se restructurer sur un mode différent. Même un psychologue stagiaire qui était très inhibé, Tom, et qui était un garçon qui avait très peur du corps, très peur de danser, à la fin de l'année, non seulement il avait appris avec les patients à danser, et il m'a dit que désormais, quand il y avait des fêtes, c'était lui qui était en tête et qui entraînait les gens à faire la fête, les mariages et toutes ces fêtes comme ça. Si c'était efficace pour un psychologue stagiaire, est-ce que ça ne l'était pas non plus pour les patients ? Alors voilà, si vous voulez, le fond commun avec les visites à domicile, le groupe de yoga et tout un tas d'activités, bon, bien sûr des psychothérapies et quelques psychanalyses, de quelle façon j'étais amené à travailler et comment j'étais en rébellion contre un service et en plus contre tout l'hôpital avec l'équipe du GRIF. Nous avons donc pris contact avec le groupe Information Asile dont j'avais été un des cofondateurs, au démarrage avec des psychiatres, donc Gérard Roff qui a écrit « Je ne serai plus psychiatre », Bernard de Fréminville qui avait écrit « Traiter ou maltraiter le fou », un livre qui pour moi est aussi puissant que « L'histoire de la folie à l'âge classique » de Michel Foucault, et un troisième, Dimitri Crouchès. Ces médecins ont fini par quitter le GIA, mais des infirmiers sont arrivés, et plus tard des patients, comme Claude qui a été un des piliers pendant des années. Et plus récemment, à partir des années 90, le GIA avait uniquement des anciens psychiatrisés. Philippe Bernardet, qui était sociologue, chercheur du CNRS, mais qui avait été psychiatrisé en clinique privée, il a fait un livre fracassant les dossiers noirs de l'internement psychiatrique. D'autre part, il y avait Jean Sédel, il y a eu Bernard Langlois, hélas décédé depuis peu. Quelques autres personnes, je pense à Jean Liot et d'autres avec qui je suis toujours en contact. André Bitton, qui est un des derniers présidents du groupe Information Asile. Ces gens, je les ai fait venir dans mon émission Aura les murs, je dirais dans notre émission Aura les murs, et je les ai fait intervenir dans mon cours à l'Université de Paris 8. L'intérêt du contact avec le GIA, c'est que ça nous a permis d'être en réseau avec les mouvements de résistance antipsychiatrique en France. Le combat du GIA était particulier dans la mesure où c'était un combat qui consistait à dessaisir les médecins du pouvoir médical pour remettre ce pouvoir entre les mains de la justice. Ils ont donc des quantités de psychiatrisés qui les ont sollicités. Ils ont mené des centaines de combats et les victoires ont été de l'ordre de 99%. C'est-à-dire que les gens arbitrairement enfermés ou arbitrairement traités alors que peut-être ils auraient pu être traités différemment ont à tous les coups eu gain de cause. Ça c'est le combat du GIA. Et puis j'ai été amené parce que forcément comme je menais par ailleurs la lutte anticarcérale avec le groupe Information Prison et Michel Foucault, puis la lutte anticarcérale toujours un peu plus tard à partir de 72 avec le comité d'action des prisonniers, avec Serge Livrosé, Michel Boralet, Catherine Leguet, Jean Lapéry et compagnie, j'ai été amené à fréquenter les réseaux extérieurs au GIA, extérieurs à Ville-Évrard, concernant l'antipsychiatrie. Alors en France, il y avait tout un courant qui venait de Saint-Alban en Lozère, avec lesquels Torrubia, Bonafé et beaucoup d'autres. Et j'avais été assez vite en contact avec ceux qui ont été les promoteurs de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire qui fonctionne sur le principe d'une institution totalement soignante et incluant les patients, les murs, la structure, le fonctionnement, avec des réunions où tout le monde abordait les problèmes, aussi bien soignants que soignés, qui étaient communs donc à tout le personnel et aux personnes hospitalisées. Là, vous avez reconnu, pour ceux qui connaissent la clinique de Laborde et puis celle de Chaille à côté de Laborde, dont les deux responsables, le docteur Jean Houry et le psychanalyste Félix Guattari, ont été ceux qui ont lancé ce mouvement qui a eu une certaine importance en France. On sait que dans beaucoup d'hôpitaux, il y a eu des services qui appliquaient le principe de la psychothérapie institutionnelle avec toutes ces réunions où tout le monde parlait de ses difficultés, de ses problèmes. Et puis, on a des clichés, mais malgré tout, c'est quand même vrai. On a vu à Laborde parfois des patients faire l'accueil et puis un interne faire la vaisselle. C'est dire que cette sorte d'indistinction du statut ressemblait à quelque chose qui a été pratiqué en Angleterre et qu'on a appelé vivre avec, dont je parlerai après avec l'antipsychiatrie anglaise, mais qui a été repris en France sous une autre forme, dans les lieux de vie, et lesquels lieux de vie, avec vivre avec, ce qui a été conceptualisé par Claude Cigala dans son lieu de vie, Claude et Marie Cigala à Aimargues, près de Nîmes, montraient qu'on pouvait essayer de vivre avec les patients, si possible même sans traitement, ce qui était très dur, ça je l'ai fait chez moi, et je peux vous assurer que ça a été terrible, puisque entre 70 et 78, j'ai reçu 70 jeunes sortant de prison, de psychiatrie, et éventuellement pour certains, non pas délinquants ni dits malades mentaux, mais toxicomanes. Et les accompagnements sans médicaments, il y a des coups, c'est du judo, hein, c'est comme ça. Mais c'est un travail contenant, prendre la personne dans ses bras, l'empêcher de se faire du mal, de tout casser, ce qu'on appelle aussi dans le métier le holding, c'est-à-dire attraper la personne pour la contenir, la rassurer, puis lui transmettre par le contact du corps une chaleur affective, une chaleur très rassurante. Mais enfin, c'est beaucoup de choses difficiles, et par exemple, pour l'un d'entre eux, quelque chose qui avait était très surprenant, comme il avait été toxicomane de 15 à 22 ans, moi je l'ai pris chez moi à 22 ans, on a fait de la substitution aux médicaments, avec un autre médicament quand même, le Mandrax, que j'arrivais à me procurer à ma façon évidemment à l'époque, c'était tous les mouvements alternatifs qui avaient des tas de réseaux comme ça, et ça a été assez bien parce qu'il a arrêté de prendre tous ces médicaments qu'il avait eu en psychiatrie, entre autres à Maison Blanche, et puis dans le foyer de jeunes délinquants où j'avais été animateur, où il avait continué le traitement. Et puis après, il a remplacé le Mandrax par du vin rouge. Et puis alors, c'est le happy end. Après l'héroïne, il a repris une nouvelle héroïne, mais c'était une assistante sociale. Et ce que je trouve époustouflant, ils ont vécu 10 ans ensemble, ils se sont séparés. Et donc il m'a rappelé en disant, Jaco, j'ai quitté une telle, donc l'assistante sociale est repartie ailleurs. Mais il m'a rappelé peu de temps après, mais il dit, j'en ai retrouvé une deuxième, alors c'est ma nouvelle héroïne, je suis toujours accro, mais maintenant ça va, je ne vais jamais plus replonger. Il n'a pas replongé, aujourd'hui il est au Maroc et je crois qu'il veut écrire ses mémoires. Donc ça c'est les idées antipsychiatriques sur le terrain, à la maison, chez soi, parce que moi ce n'était pas un lieu de vie au sens de je gagne ma vie là-dessus. Françoise était éducatrice, Marc était à la maison, mon fils, et puis moi j'étais... à Ville-Évrard, à l'université, et puis avec toutes mes activités. Donc, on ne faisait pas ça pour gagner de l'argent, on faisait ça par cohérence politique, en se disant, si on a des idées, on les met en pratique. Ce n'est pas le tout de parler, mais il faut agir. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que ça, c'est bien les idées antipsychiatriques. Sur les 70 qui sont passés pour des séjours de 8 jours à 9 mois, il n'y en a que 6 qui ont rechuté. Je peux vous assurer que nos résultats en prison, nos résultats dans les centres médico-psychologiques, nos résultats dans les centres d'usagers de drogue pour la désintoxication et nos résultats à l'hôpital psychiatrique ne sont jamais de cet ordre. Alors évidemment, en France, j'ai rencontré Félix Guattari, par exemple. J'ai rencontré Jean Tisse aussi, qui dirigeait un service à Fleury-les-Aubrais, donc près d'Orléans, et qui était assez novateur au niveau antipsychiatrique. J'ai un peu connu son service de l'intérieur, parce que j'ai eu comme étudiant à l'université des infirmiers du secteur de Jean Tisse à Fleury-les-Aubrais, donc qui faisaient des exposés dans mes cours pour montrer comment fonctionnait ce service, qui effectivement était très en avance sur beaucoup d'autres secteurs, et entre autres sur le mien, parce que mon secteur était un secteur moyen, ça n'a jamais été un secteur futuriste. Sur la palette des services, il y a un chiffre objectif qui montre un peu... comment ça marche. À Ville-Évrard, le secteur qui a été le plus en pointe longtemps, c'est le secteur 14 de Bondy, qui a eu jusqu'à 14 structures intermédiaires en ville, donc des lieux où on reçoit les patients. Le plus mauvais secteur n'en avait qu'une, le centre médico-psychologique, je ne dirais pas lequel c'est, mais j'en ai parlé la semaine dernière, et mon secteur était entre deux, puisqu'il y avait 7 structures intermédiaires, des centres médico-psychologiques, des appartements associatifs, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, etc., etc. Donc cette structure intermédiaire, vous voyez, on était un service moyen, ce qui n'est pas étonnant quand je pense à quel point la structure de base de service était réactionnaire et pas loin même d'être fasciste, c'est-à-dire très hiérarchisée, misogyne, autoritaire, phallocratique et méprisante pour les patients. Évidemment, ces contacts m'ont permis de rencontrer beaucoup d'autres gens, entre autres David Cooper, l'antipsychiatre avec qui j'ai été extrêmement ami. On a fait beaucoup de choses ensemble parce que j'avais trouvé quelqu'un qui m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée, que je répète tout le temps. Ça fait partie de mes connaissances. Les connaissances, c'est les gens qui nous les transmettent. Et c'est pour ça que je souhaite transmettre, moi, au maximum. Il m'a dit, mais tu sais, nous sommes tous fous. Nous sommes aussi fous que ceux qu'on appelle les fous. La différence, c'est que nous gérons plus ou moins bien notre folie. Et c'est comme ça que je suis arrivé après à conceptualiser la théorie selon laquelle, en psychanalyse, c'est pas le tout de faire blablabla. Il est important de faire un travail corporel qui nous mette en état modifié de conscience pour pouvoir plonger à l'intérieur de nous-mêmes dans ce que l'on appelle le noyau psychotique, schizophrénique ou paranoïaque. J'ai fait ce trajet moi-même. Et c'est cette capacité de plonger dans notre folie, surtout si nous n'en avons pas conscience, qui fait qu'après on va pouvoir la gérer. Tant qu'on n'a pas plongé dans son noyau psychotique, qu'on n'a pas nagé dans sa propre folie, on n'arrive pas à le gérer. Nous sommes agis par notre folie, car tous nous en avons une bonne dose. Comme je disais la semaine dernière, ouf, on a échappé à ça. En gros, ça aurait pu être pire. Donc ce qui est important pour moi, c'est de retenir cette pensée de David Cooper, et qui explique aussi quelle a été la teneur de l'antipsychiatrie anglaise. En France, au fond, l'antipsychiatrie démarre dans les années 60. Elle avait commencé un petit peu avant en Angleterre. Et c'est vrai qu'il s'est mis en place à partir de 68 les communautés, qu'on a pu appeler communautés thérapeutiques. Mais il faut dire que tout le travail antipsychiatrique en France était un peu comme une mosaïque. C'est-à-dire que des gens essayaient d'améliorer le fonctionnement. Il y a eu la psychiatrie morale, avec des gens comme Baruch, Daumaison et d'autres, qui étaient des gens très humains et qui étaient très contrariés par ce qu'ils avaient trouvé en psychiatrie et qui essayaient de l'améliorer. Mais il y a ceux qui étaient vraiment radicalement contre, je pense à des gens comme Gentis, mais beaucoup d'autres, parce qu'il y en a dont plus personne ne parle. Jean-Marie Bellini, qui a été surveillant-chef, quasiment remplaçant le médecin-chef du secteur 1 de Saint-Denis dans les années 70-80. Il y a eu Jean-Loup Poisson, mais plus personne ne s'en souvient. C'est un psychiatre qui était dans un autre secteur de Ville-Évrard et qui a essaimé dans d'autres services. Il y a eu Roger Bouffet, plus personne ne s'en souviendra aujourd'hui, qui avait créé le réseau Fontenay. Et des quantités de gens comme ça à travers toute la France et qui vraiment, pour certains, ont tenté de casser l'asile, pour d'autres d'en sortir et pour arriver à construire quelque chose de cohérent en disant nous on n'est pas d'accord avec l'enfermement. L'enfermement n'est pas thérapeutique. Donc il faut qu'on crée des lieux à l'extérieur et il faudrait qu'on en crée suffisamment pour que l'hôpital devienne inutile. Vous vous rendez compte comme ça rêvait. Et c'est aussi pour ça que certains sont partis créer des lieux de vie. Je pense à des infirmiers, à des éducateurs, même à des psychiatres. J'ai même vécu quelque temps dans un de ces lieux de vie, Gourgas, qui appartenait à Félix Guattari dans les Cévennes, près de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je ne suis pas resté longtemps, mais il y a eu deux groupes qui ont été là-dedans, comprenant infirmiers, éducateurs, marginaux, prostituées, toxicomanes, sortant de psychiatrie. Il y avait deux patients de mon service qui étaient là-bas, l'un comme jardinier, l'autre comme voleur. Et puis, il y avait un transsexuel prostitué de Marseille qui était venu par d'autres d'un groupe routier dans l'Aude. Et toute cette période-là a été très, très, très agitée. La période où moi j'étais là-bas, j'étais spécialisé dans le restaurant autogéré de Saint-Hippolyte-du-Fort et je faisais les pêche-mêle-bas. Voilà, donc je n'étais pas très thérapeute, mais je participais à la rentrée d'argent parce qu'il fallait vivre. Il y a eu des périodes où ça marchait tellement mal qu'on ne vivait que d'un bol de riz dans cette communauté. De toute façon, elle a fini par exploser comme la plupart parce que, même avec des idées antipsychiatriques, si on a été éduqué dans un univers où la prison et l'hôpital psychiatrique sont les piliers de la société, on n'est pas prêt à vivre cette révolution et on achoppe à tous les coups sur l'argent et le sexe. C'est sur des histoires comme ça que les deux groupes se sont séparés, Marge et les routiers. Les routiers sont retournés dans l'Aude et Marge est retournée à Paris. Ensuite, Youssef et Guy, les deux patients de mon Guy de mon service et Youssef de Drancy sont retournés à Ville-Évrard. Et bah oui, tu les connais. Hein. Et en ce qui concerne Guy, bah, on a fait un travail de thérapie et il s'en est sorti complètement. Quant à Youssef, il erre de par la ville. Donc, si vous voulez, ces expériences pratiques étaient en coordination avec les autres lieux de vie qui existaient. Et c'est aussi pour ça que, puisqu'on parle d'antipsychiatrie, on a tous compris en 1975 que nous avions échoué. Après 15 ans de combat, l'asile n'était pas par terre. L'asile n'était pas par terre et il fallait repartir sur d'autres bases. Quelles bases ? Puisque nous ne pouvons pas casser l'asile de l'intérieur comme l'extérieur, en le déstructurant par la psychothérapie institutionnelle, en ouvrant les portes, en diminuant les traitements, en enlevant les blouses, en permettant aux patients de sortir, en permettant à des gens de dehors de rentrer, parce que je résume, si je vous racontais tout ce qu'on a fait, des concerts de rock, de reggae à Ville-Évrard, des journées portes ouvertes où j'ai fait venir des troupes d'aïkido, des troupes de théâtre, enfin des choses un peu inimaginables. Pour vous donner une image, on avait un patient nazi à Ville-Évrard, et ce patient nazi, quand il y avait des concerts de rock, eh ben, il allait jouer avec les musiciens parmi lesquels il y avait des blacks. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le travail fait avec ce patient qui était d'un autre secteur et qui faisait que j'étais forcément en contact avec l'infirmier référent ou le psychiatre référent du service qui s'occupait de lui, ce patient est sorti des années plus tard et il est venu me voir un jour à mon groupe de thérapie corporelle avec une petite maghrébine. Il m'a dit « Jaco, je te présente ma copine, elle s'appelle Rachida ». Et j'ai failli tomber par terre parce que lui qui était nazi, qui n'aimait ni les Noirs ni les Arabes, il avait un peu changé grâce peut-être au concert de rock. La première fois où il y avait un groupe, c'était avec Edith, une chanteuse de rock assez connue à l'époque. On a eu des groupes connus. Hein. Et en fait, il y avait un bassiste qui était black. Alors, ben, il allait jouer avec eux. Donc il fallait qu'il serre la main. Et quand il a serré la main du bassiste noir... il a eu un geste très étonnant, il s'est penché complètement sur le côté, il a envoyé un coup de pied en arrière comme s'il donnait un coup de pied à l'homme. Il ne l'a pas fait exprès, hein, c'était une réaction viscérale, parce que c'était sa pathologie d'être raciste. Vous avez bien compris que le racisme est une pathologie mentale qui fait partie de la paranoïa, bien entendu, et des manipulateurs très habiles comme Le Pen s'en servent pour ratisser large autour de leur absence d'idées avec des gens qui eux-mêmes ont un fond paranoïaque ou obsessionnel, voire phobique. Et c'est comme ça qu'on nous fait croire que c'est une pensée politique. Mais il se trouve que c'est souvent quelque chose de grave psychologiquement chez l'individu. C'est pas loin du délire, même quand c'est psychotique et donc de type paranoïaque. Et ce garçon, bah, il avait donné un coup de pied en l'air comme ça, tout en serrant la main du bassiste. Et puis, bah, 10 ans plus tard, il avait tellement changé. Parce qu'il faut dire que les patients et les patientes qui venaient à la musique, c'était génial. Hein. C'était Hicham, c'était Driss, c'était Waïd, c'était Karim. Et puis, il allait fumer le pétard avec eux. Il adorait Brahim. Ils allaient fumer des pétards ensemble. Quand Brahim n'était pas là, il disait « Jacques, il est où, Brahim ?» Et quand Brahim venait, vous seriez tombé raide, il lui faisait la bise. Il disait « T'as pas du touch, là, un peu ?» Alors, Brahim, si, j'en ai ramené une petite plaque, là. Ils allaient fumer. Alors, le directeur, évidemment, avait eu des balances qui m'avaient dit « Monsieur Delahaye, j'ai appris qu'on fume dans votre service. On fume dans vos réunions. » Je dis « Non, c'est interdit. » Mais vous savez comme moi que tout le monde fume partout, à la cafétéria, dans le parc, dans les pavillons. Mais non, dans mes activités, c'est interdit. Ils ne fument pas dans mes activités. Mais la H-thérapie a été positive avec la musicothérapie, puisque Manu le nazi avait perdu son racisme grâce à des méthodes dites alternatives et improvisées sur le terrain, évidemment, parce que je ne l'ai jamais conceptualisé. Je n'ai fait que participer à tout ça. Et une des filles qui gérait d'ailleurs le groupe de H-thérapie s'appelait Sabine, c'était une championne du baston. Et le racisme était interdit avec elle, elle se disait libertaire et c'était une grande amateur de Trust, le groupe de rock Trust. Voilà un peu des idées antipsychiatriques mais en pratique et au quotidien qui vous mettent en danger et qui font qu'à tout instant vous risquez de sauter parce que tout ça, dès que ça se sait un peu, c'est transformé. Horreur, il y a des drogués. Horreur, on fait du passage à l'acte. Horreur, on transgresse l'interdit sexuel. Horreur, on laisse sortir des patients. Horreur, on les promène en voiture. C'est interdit de les promener en voiture. Je n'avais pas le droit de sortir des patients en voiture. Je ne m'en suis pas privé, je ne vous le cache pas. Et un jour, une surveillante chef m'a dit « Jacques, je suis sûr que tu as emmené Mohamed ». J'ai dit non. Et le jour de ma retraite, je suis allé la voir. J'ai dit oui, j'avais emmené Mohamed. Alors là, elle était mal. Donc voilà un peu comment on a fonctionné. Et en sachant que, donc, au congrès de Bruxelles, en janvier 1975, avec les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Suisses, les Belges, donc nous les Français, on a décidé que l'antipsychiatrie était finie. Notez bien, l'antipsychiatrie n'existe plus depuis 1975 et le congrès de Bruxelles. Et on a décidé de la remplacer par l'alternative à la psychiatrie. On a donc créé le réseau alternatif avec tous les spécialistes de tous ces pays-là, considérant qu'on abandonnait l'idée de casser l'asile, de le foutre par terre, mais qu'on allait le subvertir ou le contourner en multipliant les structures intermédiaires. C'est le concept des années 70 et 80, sachant que structure intermédiaire, au fond, c'était un concept neutre qui remplaçait celui de communauté thérapeutique et ensuite de lieu de vie. Néanmoins, on parlait encore de lieu de vie à l'époque, et c'est à la tête de l'animation du lieu de vie que Claude et Marie Sigala ont fait connaître un peu comme étant les leaders du mouvement en France avec Bodhi et Marie Kos au Cori là-bas dans l'Aude. L'idée qu'on pourrait peut-être arriver à contourner l'asile, à faire qu'il y ait tellement de lieux de vie où il y aurait tellement de patients que l'asile ne serait plus utile. Ça, c'est pour la France. On est passé sur une quinzaine d'années de 300 à 600 lieux de vie. Il y a eu des quantités d'expériences fantastiques. J'ai mis la main à la pâte tant que j'ai pu. J'ai été très heureux qu'un de mes étudiants, Jean-Marie, ait ouvert lui-même un lieu de vie du côté de Toulouse. Mais voilà, c'est une mosaïque qui a continué jusqu'en 1990. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative à la psychiatrie, c'est important de le dire. Les seuls restes que nous avons gardés en France, c'est l'asepsie. Donc l'asepsie que nous avons créée en 1978 avec Jean-François Réverzy, Catherine Réverzy, toute une équipe d'alternatifs et ex-antipsychiatres, donc psychologues, infirmiers, éducateurs, etc., et médecins. Et notre idée, donc, c'était d'avoir une revue et quelque part d'essayer de rassembler les infirmiers progressistes des secteurs psychiatriques et les révolutionnaires de l'antipsychiatrie à travers ce qu'on a appelé donc Association pour l'étude et la promotion des structures intermédiaires. Car le concept de structure intermédiaire rassemblait les lieux de vie antipsychiatriques et les structures intermédiaires, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à mon secteur et d'autres secteurs comme Bondy et les autres, ou le nord de Paris pour ce qui est de Maison-Blanche et le sud de Paris pour Sainte-Anne, donc les centres médico-psychologiques, anciens dispensaires d'hygiène mentale, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, les hôpitaux de jour, les centres d'aide par le travail, comme on les appelait à l'époque, qui ont changé de nom depuis, et tous les foyers, appartements et structures existants en ville. Et donc désormais, le nom était structure intermédiaire, également donc pour les lieux de vie. À noter que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une très très belle revue qui s'appelle Transition, qui a fonctionné régulièrement jusque pas loin de 2000, mais mieux encore, quelque part, elle continue à travers un annuaire des structures intermédiaires qui existe encore. Il y en a au siège de ce qui a été l'asepsie, mais qui ne fonctionne plus en tant que tel. C'est un annuaire fantastique où il y a toutes les adresses de six lieux de vie, c'est-à-dire les structures intermédiaires en ville correspondant au secteur psychiatrique, mais aussi les lieux de vie, soit dans les villes, soit dans les campagnes, où sont reçus des gens de toutes catégories, autistes, psychotiques, délinquants, sortant de prison, usagers de drogue, mais surtout des gens sortant de psychiatrie, bien entendu, puisque là, c'est le travail dans le domaine de la psychiatrie. En ce qui concerne l'Angleterre, bien sûr, il y a eu David Cooper avant qu'il vienne en France. Ça s'inspire en fait de Maxwell Jones, qui avait créé des communautés thérapeutiques après-guerre pour des gens dits délinquants. Et David Cooper a donc créé le pavillon 21 à Londres, et puis Kingsley Hall, la psychiatrie a été le point de démarrage. Il y a eu Archway en Écosse. Au fond, l'idée, c'était d'essayer, considérant qu'on est tous fous, de vivre ensemble, soignants et soignés, avec une relative indistinction des statuts, et par exemple, sans médicaments. Cette expérience a été intéressante et relatée, entre autres, dans le livre de David Cooper, Psychiatrie et antipsychiatrie, et puis aussi dans le livre écrit à deux mains par une patiente, Mary Barnes, et Yorks, le psychiatre qui l'a suivi de cette manière-là. Le parcours de Mary Barnes est à tomber par terre, c'est hallucinant. Cooper, si je ne me trompe pas, a dû décéder vers 85. J'ai été assez triste de savoir que il avait su que des années plus tard, Mary Barnes avait rechuté, malgré ce parcours prodigieux qui l'avait fait se sortir de sa psychose. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il est décédé sans savoir qu'après, de nouveau, elle était guérie, si je puis dire. Et c'est un parcours assez écliptique, mais qui montre que peut-être, avec davantage de connaissances et de moyens, il aurait été possible de transformer l'essai. C'est-à-dire, au fond, que cette méthode a fait que Mary Barnes a fini par sortir, après des années, et c'est fantastique, cette histoire. Le livre Voyage à travers la folie est absolument prodigieux, et c'est du reste pour ça qu'il doit être dans la bibliographie que je vous ai mise. Hein. Mais enfin, c'est très éprouvant pour ceux qui font l'accompagnement sans médicaments. Le médicament tasse le symptôme chez le patient, mais soulage le soignant. Alors évidemment, vous avez un exemple donc de ces expériences. Parmi les gens dont je me suis occupé, je pense à une petite jeune fille que j'avais hébergée chez moi, je l'ai envoyée à la Borde, à Félix Guattari, qui l'a envoyée à David Cooper. Donc pendant quelques temps, elle a expérimenté cette vie sans médicaments, puis elle est partie en Suisse dans un autre lieu de vie. Et aujourd'hui, bah, c'est une militante contre la peine de mort à Montpellier, fait partie d'une association, elle est une des responsables. Elle a parfaitement bénéficié de cette trajectoire antipsychiatrique. C'est dire que ça existe, que ça fonctionne, que ça a fonctionné, que ce n'était pas des utopies. L'utopie n'est pas qu'à venir, elle est parfois passée, parce que nous n'en avons pas voulu collectivement. Il y a eu aussi, en dehors de ces expériences de vivre avec, Ronald Lang, qui a écrit un livre extraordinaire sur la psychose, sur le moi divisé, c'est le titre du livre, et c'est quelque chose qu'il est utile de lire, parce qu'un antipsychiatre qui était capable de parler avec une telle précision de la schizophrénie ou de la schizoïdie, de la psychose en général, c'est remarquable et c'est crédible dans la mesure où il ne se croit pas supérieur au psychotique, lui-même pensant probablement avoir un noyau psychotique en lui. Ce qui est vrai, je le confirme, j'ai le mien. Et comme je connais très bien tous ces gens de l'antipsychiatrie britannique, je sais bien qu'eux aussi sont fous comme des lapins et qu'ils gèrent simplement ou ils ont géré leur folie. Ce qu'il y a, c'est que leur évolution est curieuse. David est mort il y a donc déjà une vingtaine d'années. Et Ronald Lang a évolué vers un fonctionnement un peu spiritualiste qui n'est pas une mauvaise chose en soi pour moi, mais qui était un oubli des idées antipsychiatriques. Il a été très intéressé par un courant de psychanalyse existentielle qui pouvait faire référence à Jean-Paul Sartre, et il est parti vers quelque chose finalement de très adouci par rapport à la lutte radicale qu'ils ont menée en Grande-Bretagne. Je pense que la réussite, c'était vivre avec, et ce qui a été l'échec, c'est qu'ils n'aient pas su mettre l'environnement dans le coup. Au fond, l'erreur des Britanniques, c'est de ne pas avoir assez parlé avec le voisinage, et on sait qu'autour de Kingsley Hall, les gens de la ville parlaient des patients de Kingsley Hall comme étant des fous, comme les gens dans le 14e disent les fous de Sainte-Anne, même s'il y a eu l'antipsychiatrie, l'alternative à la psychiatrie, le réseau et tout le reste, les gens ils parlent toujours des fous, ce qui est simplement une façon de faire croire qu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Là-dessus, j'ai vraiment une certitude, c'est que l'hôpital psychiatrique est destiné à faire croire à ceux du dehors qu'ils ne sont pas fous. Malheureusement, on est aussi fous que ceux qui sont à l'intérieur, sauf qu'on gère plus ou moins bien avec nos défenses névrotiques ou nos appareils et dispositifs est à limite. Mais si on perd nos défenses névrotiques à cause d'un gros chagrin, d'un traumatisme, d'un accident ou d'une maladie grave, très vite n'ayant plus de défense, et ben nous aussi on se retrouve, on fait une flambée, hein. Une bouffée délirante ou une décompensation psychotique. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une séparation entre fou et pas fou. Ce qui nous sépare de ceux qu'on appelle fous, c'est nos défenses névrotiques qui nous font nous adapter sur le mode obsessionnel, hystérique, phobique ou autre, mais qui ne sont rien d'autre que des défenses et qui n'empêchent pas qu'à l'intérieur, c'est le gouffre. Alors, pour ce qui est de l'Angleterre, donc, vous voyez ce qui a été intéressant et la limite de la réussite. En Italie, avec Psychiatria Democratica, il y a eu quelque chose de très intéressant qui a été vu par les opérateurs et psychiatres, donc Franco Basaglia, qui a fait ce livre très très très beau, L'institution en négation, également dans la bibliographie bien entendu, Giovanni Gervis, qui a écrit entre autres le mythe de l'antipsychiatrie, parce que fallait pas trop rêver quand même, c'est de s'appuyer sur un mouvement social. Et là-bas, c'est le mouvement communiste. Ce mouvement était très fort, et ils ont réussi, grâce à un soutien militant considérable, à faire sortir un nombre de patients considérable. Et pendant un certain temps, ils ont cru avoir remporté la victoire. Une victoire que nous n'avons pas remportée en France et que l'Angleterre n'a pas réussi non plus à remporter, ni Thomas Shash aux États-Unis, je n'en dirai pas plus, parce que lui aussi avait tenté quelque chose aux États-Unis, comme ça a été tenté en Allemagne, en Suisse et un peu partout. L'Italie, donc, pendant un certain temps, a cru avoir gagné parce que elle a ouvert des structures intermédiaires en ville, ça peut être comme nos centres médico-psychologiques, des lieux collectifs d'habitation, mais aussi des ateliers. Et c'est ça qui était assez étonnant, c'était de voir que le travail, beaucoup mieux que l'ergothérapie, pouvait avoir sinon une valeur thérapeutique, au moins une valeur de réinsertion. Et donc un certain nombre de patients s'en sont plus ou moins bien sortis parce qu'ils sont partis dans ces lieux où ils étaient lancé dans le monde du travail et soutenu justement par des militants et par tout ce courant Psychiatria Democratica. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soutien était assez marxisant, puisque c'était l'époque des Brigades Rouges, hein, vous vous en souvenez, comme il y avait la fraction armée rouge en Allemagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Allemagne, le mouvement était encore plus radical que dans les autres pays. Donc, pour l'Italie, ça a marché un certain temps. Il y a eu San Giovanni de Trieste, Gorizia, Ibiza. Je suis allé en 77 à Trieste. On faisait journée internationale de l'alternative à la psychiatrie. À l'époque, le secrétaire européen du réseau de l'alternative à la psychiatrie était Jean-Marie Bellini, qui était le surveillant-chef du secteur 1 Saint-Denis de Villers-Évrard, et qui quelque part remplaçait le médecin-chef, puisque le médecin-chef était une dame fort sympathique que je connaissais depuis très longtemps, mais qui était tout le temps déprimée à l'époque. Les choses ont bien changé, mais qui de ce fait n'assumait pas trop ses responsabilités. Et donc ils ont créé un fonctionnement quasiment libertaire, autogéré, avec le pavillon autonome. Ils ont mis en route des tas de services ouverts, enfin des lieux alternatifs dans la ville de Saint-Denis. Et à l'époque, c'était un secteur très très en avance qui concurrençait un peu le secteur 14, donc de Bondy. Hélas, ça a régressé depuis. Mais avec tous les gens du mouvement français, anglais, suisse, belge, italien et allemand, donc on avait fait nos assises à Trieste. C'est là que j'avais vu qu'un hôpital qui avait eu 1500 ou 2000 patients n'en avait plus que 300. J'ai quand même visité entièrement Trieste. J'étais très intéressé, entre autres, par la fameuse expérience dite du cheval bleu, donc une association qui était dans ses idées antipsychiatriques et qu'il faisait à la mode italienne, c'est-à-dire en s'appuyant sur un mouvement social. Ce qu'il y a, c'est que ça a été quand même vite récupéré, parce qu'il y a eu le ressac des idées de 70 qui a basculé à partir des années 80. Et en réalité, comme ce mouvement a été relativement précipité et pas assez soutenu, malgré l'appui militant qui se faisait partout dans les villes, il y a eu un resserrement de la psychiatrie. Et ça fait que des patients sont restés un peu en rade comme ça et suivis de manière un peu incohérente, comme ça l'est en ce moment d'ailleurs en France, où on a beaucoup de retard sur eux, mais on a fait encore pire, puisque une partie de nos patients maintenant sont ceux qui font qu'il y a 30% de malades mentaux en prison, ou alors ils sont SDF, ça veut dire qu'ils ne sont pas fait prendre. Mais le malheur de l'Italie à ce moment-là, c'est qu'à partir des années 80, les cliniques privées se sont jetées dessus, ont tenu un discours hypocrite et larmoyant, pseudo-démocratique, disant « c'est scandaleux, regardez ce qu'ont fait tous ces psychiatres, ils ont mis les patients dans la nature, les patients errent dans les rues comme des malheureux, et nous allons nous en occuper ». Comme le cas médical, le cas, c'est l'unité de base médicale en France, c'est partout pareil en Europe, donc il est bien souhaitable de faire des traitements lourds, des électrochocs ou alors des grosses batteries de tests, et ben voilà, on les a pris, on leur a donné des traitements lourds, on est revenu à la psychiatrie traditionnelle, mais cette fois-ci par les cliniques privées. D'où les hôpitaux psychiatriques ont été obligés de se ressaisir, de mettre fin à l'ouverture des portes, de rentrer des patients, de les récupérer et de revenir à une psychiatrie classique qui avait enterré complètement l'antipsychiatrie et même l'alternative à la psychiatrie. Pour l'Allemagne, parce que c'était encore plus marxisant, vous avez le Socialistische Syndikat Patient, SPK, Socialistische Patient Collectif, qui était complètement marxiste, avec des avocats qui ont fait de la tôle parce qu'ils ont mené des luttes très très dures. C'est un groupe avec lequel j'ai voulu prendre contact parce que je trouvais que c'était intéressant qu'un groupe en grande partie constitué de psychiatrisés ou ex-psychiatrisés, comme le groupe Information Asile en France et en Belgique, il y avait un GIA en Belgique aussi, mais c'est allé tellement trop loin que j'ai mis fin à mes relations avec eux parce que j'ai trouvé très très embêtant de voir des pratiques proposées qui me faisaient penser à d'autres pratiques en Italie et qui n'étaient pas celles de l'antipsychiatrie. Il serait question d'ouvrir un tribunal international des psychiatres à l'université de Paris 8 Saint-Denis, dont j'aurais été membre. Alors je ne sais pas si j'aurais été juge ou procureur, et on aurait jugé les psychiatres qui étaient des assassins, des tueurs, des nazis. Or, ce n'est pas comme ça du tout que je vois le problème de l'antipsychiatrie ou de l'alternative à la psychiatrie. Ce n'est pas de désigner des coupables, de faire de nouvelles victimes. C'est d'une lutte contre des structures, une lutte contre un système, bien entendu une lutte contre l'État, qui est le vrai responsable de toutes ces dérives, mais pas de condamner à je ne sais trop quoi, d'ailleurs, des psychiatres qui étaient considérés comme des criminels a priori. j'aurais été pour des rencontres et des colloques, et là je m'en suis pas privé, mais me trouver dans un tribunal qui aurait jugé les psychiatres, moi personnellement j'étais pas d'accord et j'ai mis fin à mes relations avec eux. Cela dit, ils ont quand même fait un travail de conscientisation très intéressant en Allemagne, mais à mon avis trop rigide et trop autoritaire, parce que marxisant sur le mode vraiment agressif, et on sait que ce qui se passait ailleurs avec la lutte armée, évidemment, allait encore plus loin, mais finalement, ça me fait quand même penser aux Brigades Rouges, Aldo Moro et tout ça, et moi, je ne me sentais pas dans ces eaux-là. Je respecte trop l'être humain et la vie pour devenir un juge et un procureur. Évidemment, donc, vous avez là un petit tour rapide, vous avez les mêmes mouvements en Suisse et en Belgique, mais forcément moins radicalisés. Les mouvements les plus puissants ont été la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Les États-Unis s'étaient très parcellisés. L'Allemagne s'était radicale et donc coupée des masses. Et pourtant, les marxistes voulaient faire une lutte de masse. Mais ça n'a pas été réussi. C'est resté une lutte rude et brutale qui a eu des conséquences très dures sur des militants. Puisque, comme je vous l'ai dit, certains ont été incarcérés, en particulier des avocats. Mais si vous voulez, tout ça progressivement s'est délité. Les États ont récupéré les discours antipsychiatriques. En France en particulier, en 81, avec l'arrivée de la gauche, beaucoup de gens ont viré du côté des socialistes. Et après avoir dansé à la Bastille, ils ont dit on a gagné et on va transformer la psychiatrie. Donc transformer la psychiatrie, c'était essayer d'appliquer à l'hôpital psychiatrique les idées antipsychiatrique ou alternative, et c'est vrai que certains infirmiers, quelques médecins, pas beaucoup de psychologues, ont participé à un certain mouvement qui avait commencé en 1960 avec Lucien Bonafé, la conceptualisation du secteur psychiatrique, la suite en 1972, et le grand lancement en 81. Beaucoup de gens ont cru avoir gagné avec le secteur psychiatrique à partir de 1981, Les antipsychiatres et alternatifs ont essayé de résister jusque vers les années 90, mais tout ça s'est effondré. Aujourd'hui, il n'y a plus que le secteur psychiatrique, c'est-à-dire la récupération étatique et économique des idées alternatives, mais c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine. Place à la parole maintenant.